ma galère que la gouane tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gouane tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gouane tout m'a quitté. Quand j'avais un peu, matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse. Au milieu maquillot, à salle faut payer les poulets. L'argent est fini, en tout a changé de poté. Waribana, elle a changé de copé. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Let's do it tonight. What they say, oh my kids. l'air, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un bois mère. Énergie quasiment midi, vous savez pas quoi manger, moi je vous conseille les pâtes Barbie. Alors c'est très rose hein. Ouais, c'est une vraie recette à base de betterave ricotta. Pourquoi pas? Bon ben en parlant de Barbie, le remix d'Aqua, ça arrive, c'est signé Tiesto et puis Luan aussi sur Énergie. Je vais aller voir à la cantine Énergie s'ils ont pas des pâtes Barbie.

Comme d'hab, on est en direct sur Energy et dès 15h, on se connecte. Hey, Energy, Energy Léman. Petit summer tour, bah ouais, on vient vous voir hein, sur toutes les plages de France. Je suis sûr qu'on passe pas loin de vous là. Allez checker si vous êtes en vacances, il y a toutes les dates sur energy.fr. Cet après-midi, le Energy Summer Tour sera à Biscarrosse sur la côte atlantique. On vous a même ramené Ritza. Vous allez avoir un show sur le sable, juste au bord de la mer. Franchement, je sais pas quoi demander de plus. Il y aura des animations, des cadeaux et en plus, c'est gratuit. Hein. Et là, sur Energy, je vais vous passer un de mes préférés. Ça vient de Corée du Sud. C'est Peggy Goo qui arrive après King Serenity. Sur le Léman, 103.6. Et sur l'appli Énergie Léman. Palpitant. Électrisant. Insomnia Festival. Samedi 12 août au Hallenstadion de Zurich. Plongez dans une nuit d'euphorie sans pareil. Vivez une expérience musicale magique. Insomnia Festival. Les plus grands noms de la scène électro avec Medusa, Armin van Buuren, EDX, I Hate Models, Vinny Vici. Les meilleurs DJ sets sur 3 dance floors. La grande soirée rave après la street parade. Info et billetterie sur insomnia-dancefestival.com. Insomnia Festival. Balestrafic vous présente les conseils bonne route. Une conduite sûre, c'est aussi le chargement de votre véhicule. Gain de temps et de sécurité. Pensez bien à organiser votre coffre, à vérifier l'arrimage de vos barres de toit, ainsi que ceux que vous transportez dans votre habitacle. Tout Balestrafic en un clic, balestrafic.ch. Énergie Léman. Game 6. Lamborghini. Tu parles à mon corps, mets le feu ton baggy sur le dance floor. Laisse-moi jouer de la percussion ton bamba. Me laisse pas solo, baby j'en perds le dodo. Je te veux sur ma moto, juste pour moi solo. Baby décide-toi, veux-tu de nous? Tranqui conmigo, tu estás bien. Veux-tu de nous? Dueña mi corazón. Ayou, dis-moi ce que tu veux. Pour toi je ferai tout, tout, tout. Maldigo el tiempo sin tu amor. Pour toi je suis prêt à tout. C'est les gars. Dime, dime dónde estás y dile, dile que me quieres más. Y dicen, dicen que no va a durar como Shakira y Piqué. Cuando tú no estés bien, llama al celular. 911. Si estás triste, si me te paso a buscar. Baby, decide-toi, veux-tu de nous? Tranqui conmigo, tú estás bien. Veux-tu de nous? Dueña mi corazón. Ayou, dis-moi ce que tu veux. Pour toi, je ferai tout, tout, tout. Maldigo el tiempo sin tu amor. Pour toi, je suis prêt à tout. C'est les gars. Si estás triste, si me te paso a buscar. Me laisse pas solo, baby j'en perds le dodo. J'te veux sur ma moto, juste pour moi solo. C'est les gars. Partage ce nouveau hit. Énergie. Peggy Gou. numéro 1. Numéro 1. Tu vois les choses qu'on fait. Dis-moi, c'est fou ce qu'on fait. On est sur Énergie. Est-ce que vous faites partie de ces 57%? Énergie, Énergie. Énergie les membres. pourcentage de Français qui ne partent pas en vacances cette année. Bon courage d'ailleurs, hein, si vous n'en avez pas, que vous nous écoutez au taf, à la radio, sur énergie.fr ou sur l'appli, même les enceintes connectées. Si vous partez pas cette année, eh ben nous on va changer ça sur Énergie. On vous invite une semaine dans une des 50 destinations Bellambra partout en France. Vous envoyez dès maintenant Bellambra par SMS avec vos coordonnées au 7 10 12. Pendant que moi j'envoie une petite session dite à la suite, on se fait plaisir avec Jason Derulo et Slimane sur Énergie. Le plus grand club du monde, c'est Énergie Extravagance. Tout l'été, de 22h à 6h du mat, avec tous les plus gros hit dance et les mix des plus grands DJ mondiaux. Tiesto, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas. Énergie Extravagance, 22h, 6h, tous les soirs, tout l'été. Découvrez maintenant le futur hit énergie de la semaine. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Varnik, Nelek et Vinay. L'éclate en famille, c'est à l'UCPA Vitam. Parc aquatique avec toboggan, bassin pour petits et grands, parcours gonflable aquatique et plage. Gratuit pour les moins de 3 ans. Info sur ucpavitam.fr. Maman, qu'est-ce qu'on fait demain? Les 8 fromages de Savoie AOP et IGP nous ont concocté un beau programme d'animation pour l'été en Savoie et Haute-Savoie. Trop bien! On pourrait aller faire une fête à la ferme ou assister à une démonstration de fabrication et de recettes. Pour en profiter, rendez-vous sur nos animations ou dans les 72 sites de la route des fromages de Savoie. Programme et infos sur fromagedesavoie.fr. Pour votre santé, bougez plus. Yeah. Suivez toute l'actu de votre radio préférée sur Facebook avec la foire fouille à Mass. Rendez-vous sur le Facebook d'Énergie Léman pour profiter des meilleurs plans dans la région. Et connectez-vous dès maintenant pour gagner votre enceinte connectée Amazon Echo Dot 5 pour écouter Énergie partout, tout le temps. Rejoignez la communauté Énergie sur Facebook avec la foire fouille, déco intérieure et extérieure à Annemasse face à l'aérodrome. C'est la fête à la maison. Énergie. Hit music only. Énergie Léman. Peugeot by My Car, c'est un large choix de véhicules d'occasion, toutes marques, toutes silhouettes et toutes motorisations 100% garanties. Petite citadine ou grand SUV, essence, diesel, hybride ou 100% électrique, trouvez chez nous votre nouveau véhicule. Profitez de l'accompagnement de nos conseillers et d'offres complètes, financement et assurance compris. Rendez-vous chez Peugeot by My Car occasion, Annemasse, Antilles, Ornay, Cluses et Sallanches ou sur bymycar.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonnes vacances sur Énergie avec Water Circus, centre aquatique à sensation. Toboggan, pétanque, beach volley, bar et restauration. Water Circus à Étrembière, accès Gaillard-Châtelaine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Attention, attention, grand déstockage chez Red Zone. Jusqu'à moins 50% sur la saison été avec un grand choix de marques. Levi's, G-Star, Replay, Tommy, Caporal, Superdry, Calvin Klein. Ou encore Guess, Freeman, Please et le temps des cerises. Jusqu'au 31 août, et épuisement des stocks, grand déstockage chez Red Zone Annemasse, Anti-sur-Léman et Thoiry. Red Zone. Red Zone. Le choix des marques. Vivez une nuit insolite en pleine nature au bivouac d'Avoria. Vous dormirez dans de grandes tentes, nichées au cœur de la forêt d'Avoria et aménagées pour votre confort. Une expérience à partager en famille ou entre amis, ou à s'offrir pour des souvenirs inoubliables sur le bivouac d'Avoria. Plus d'infos et réservations sur skipass-avoria.com. Maintenant sur Énergie Léman. La meilleure playlist. C'est dit à la suite. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. High highs, low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows. You're distant, but too close. On the other side of the ocean, we're too deep to be shallow. Nah, yeah, yeah, you can't lie. When love sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's

face aux défauts. J'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face aux défauts, à mon ego, à mon ego. Seul face aux défauts, j'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face aux défauts, à mon ego. Seul face à mes défauts, j'entends comme un écho. Ce poids sur les épaules, l'enfer c'est toujours les autres. Je tape, tape, tape, mais personne, y'a plus rien. L'ami, le mari et l'amant. Faut être là sur les réseaux. Via du yoga et du vélo. J'ai quelques mots tendus sur la route. Vont les gens qui doutent. Celle-là c'est la danse. Plus ceux qui ne savent pas danser. Celle-là tu la chantes. Même si tu ne sais pas chanter. Même si t'as pas la bonne gueule. Même si t'es pas dans Google. Celle-là c'est la danse. Plus ceux qui ne savent pas danser. Celle-là c'est la danse. Faut être intransigeant, donner son avis sur tout. Il faut sortir du rang, original jusqu'au bout. S'oublier pour les gens, s'aimer soi-même avant tout. Faut être fort jusqu'au plumard, faire du sport et des dollars. J'ai quelques mots tendus sur la route. Bon, les gens qui doutent.

Je suis carrément fan de ce nouveau hit de Calvin Harris. La première fois que vous l'avez entendu, et ben c'était ici, sur Énergie. J'espère que vous profitez bien de votre mois d'août. C'est pas terminé pour les festivals. Il reste quasiment un mois d'été. On a encore des festivals pour vous sur Énergie. Faites du bruit dans Landerneau, par exemple. Ça, c'est ce week-end. Il y a Macklemore qui sera là. On a aussi des places pour le Delta Festival sur les plages du Prado à Marseille du 23 au 27 août. Vous chopez deux places pour un festival Énergie plus votre enceinte connectée Amazon Echo Show. Ça, c'est pour moi. C'est cadeau. Avec le double 8, 3937, dès que vous entendez Jane et Pierre de Mars. Ça peut arriver après Riab et Marina qui est sur Énergie. Découvrez maintenant le futur hit Énergie de la semaine. Jackson, Tyson, Jordan. Marnik, Nelek et Vilay. Énergie. Hit music only. 103.6 sur le Léman. Cette semaine sur Énergie, découvrez les nouveaux hits qu'on vous a choisis. Lucenzo. Énergie. Hit music only. Énergie. I still replay it in my head. You were gold like September. Lost in a thousand silhouettes. Those were the days to remember. We got to do it again. We got to do it again. You got me singing again, don't let this feeling end. We got to do it again, we got to do it again. Ain't no stopping us now. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time, I've got an appetite. Ooh, I've been waiting for the sunshine. Throw me a lifeline. Cause baby, it's been a long, long time. Tell me, can you see the signs, my love? We could stay here forever. Just like a pretty diamond, love. We were born under pressure. We got to do it again, we got to do it again. You got me singing again, don't let this feeling end. We got to do it again, we got to do it again. Ain't no stopping us now. Énergie, les morts.

Vous venez de mettre énergie, vous avez bien fait. Il y a un classique de Lady Gaga qui va arriver juste avant 14h. Un hit que chantait Pierre Demar quand il avait 7 ans. C'est beau. D'ailleurs, si je passe Pierre Demar et Jane à la suite, c'est le double hit. 39-37 pour choper vos places de festival. Ça peut arriver juste après Laurent Wolf maintenant sur énergie. on vous fait la meilleure playlist. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est Énergie. Roma, Roma, ma, ga, ga, oula, la, what you been, Roma, and Roma, Roma, Roma, ma, ga, ga, oula, la, what you been, Roma, and I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as it's free, I want your love, love, love, love, I want your love, I want your drama, the touch of your Guillaume sur Énergie, je continue tous les hits numéro 1, même pendant les vacances. Il sera sur les plages du Prado à Marseille le 24 août pour le Delta Festival, un événement Énergie. On écoute Francis Mercier et juste après c'est Miley Cyrus. Énergie.

Et dans moins d'une heure, on va se connecter à la plage hein, sur Énergie. Énergie les membres. Tour en ce moment, toutes les dates sur énergie.fr. On a déjà fait la Méditerranée la semaine dernière. J'y étais, j'ai encore du sable dans les chaussures. Là, on attaque la côte atlantique. Aujourd'hui, c'est Biscarrosse avec Ritza qui sera là. Toutes les dates sont sur énergie.fr. N'hésitez pas à passer hein, sur place, voir Fabien et Louis sur scène. Il y a plein d'animations, il y a des cadeaux. Vous allez aussi apprendre la choré officielle du Énergie Summer Tour. Et ça tombe bien, bah, le hit, c'est Becky G. Je vais vous le passer. C'est tous les hits numéro 1 sur Énergie. Il y aura aussi Luan. Balèze Trafic vous présente les conseils Bonne Route. Préparez tous vos papiers avant votre voyage. Carte d'identité, certificat d'assurance, permis de conduire, attestation d'accident et même ceux de votre animal. Voyagez tranquille et sans souci. Et vérifiez si votre contrat d'assurance inclut toute éventualité en cas de panne ou d'accident. Tout Balèze Trafic en un clic, balèzetrafic.ch. Énergie. Listen up. It's music only. Énergie les morts. You know what they say, you find the right one. And every face just fades with the last song. But you always be my number one. Two shots and all the feelings, still I'm under your control now. Tell me that you believe in us. I'm terrified that I'll be singing all the words alone. Cause you'll always be my number one. Sing at the top of my lungs. There's a million melodies I can't forget, but you always be my number one. There's a million songs in my head. I can sing at the top of my lungs. There's a million melodies I can't forget, but you always be my number last note, so you should know I'll never let go. Cause you're the one that I can't forget. I try to warm up my heart and it always leads me back to you. There's a million songs in my head. I can sing at the top of my lungs. There's a million melodies I can't forget, but you always be my number. DJ, your sweat, wet.